Des sciences, comme vous le savez, se déroule régulièrement dans l'année. C'est la deuxième séance qui va porter sur la question de l'évolution des conditions d'entrée dans les carrières académiques. La question de l'entrée dans les métiers de la recherche, c'est-à-dire dans quelles conditions forme-t-on et accueille-t-on nos futurs collègues, c'est une question récurrente, c'est une question sur laquelle il y a eu des mobilisations répétées ces dernières années. Donc souvent, un constat sur lequel on s'accorde, c'est qu'il y a une montée de la précarité avec une période d'allongement entre la date de soutenance et la date de recrutement sur statut stable. Ça se prolonge, cette période, pour les postes de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. Et parfois, cette instabilité, même, elle se prolonge très, très tardivement pour les fonctions d'ingénieurs et de techniciens. Et surtout, on n'avait pas mis la précarité chez les jeunes chercheurs, puisque cette précarité ou instabilité concerne beaucoup de trentenaires, voire de quarantenaires, qui peuvent continuer à travailler au sein de nos laboratoires, de nos universités, sur des statuts hybrides de contractuels. Et vous le savez, il y a eu une enquête qui a permis de clarifier cette multiplicité des statuts sur la précarité en 2009, qui a déjà été, enquête qui a été déjà présentée dans ce séminaire l'année dernière et qui a fait l'objet d'un ouvrage coordonné par Isabelle Claire, Annick Kiefer et d'autres. Donc c'est écrit par le collectif Pécresse. Précarité dans les métiers de la recherche, et la référence de l'ouvrage, on vous la mettra sur le site. Donc, si vous vous rappelez, si on refait un petit recul en arrière, c'est sur cette question spécifique de l'entrée dans les métiers de la recherche que se sont mobilisés les chercheurs à l'origine de la création du mouvement de 2004 et de Sauvons la recherche, puisque c'était face à l'annonce de la réduction du nombre de postes stables qu'il y avait eu un mouvement de réaction très fort. Et ensuite, les possibles effets pervers de la création de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui a donc promu la recherche sur projet, et donc potentiellement créatrice de chercheurs et d'ingénieurs sur contrat, que l'on regroupe sous le terme fourre-tout de post-doc, qui va prendre des tonalités et des configurations très différentes suivant les disciplines. Donc ce possible effet pervers a été signalé plusieurs fois. C'est une question qui est en plus d'actualité en termes de négociations sociales, puisque vous savez que la question de l'intégration des hors-statuts est en ce moment débattue par les organisations syndicales et les associations qui essayent de mobiliser les hors-statuts autour du projet de loi de titularisation dans la fonction publique, qui aura lieu en 2012, et si vous avez commencé à regarder ce protocole TRON, vous aurez vu que les conditions de titularisation ne correspondent pas du tout au métier de la recherche, puisqu'il faut plutôt être resté très longtemps sur la même fonction, alors que nous avons beaucoup plus d'instabilité en termes de contrats et de métiers. Donc là, nous avons, pour débattre sur cette évolution, demander à des collègues de plusieurs disciplines et à différents stades de leur carrière, des anciens post-docs, des actuels post-docs ou jeunes chercheurs, de à la fois venir nous présenter leur expérience, mais surtout leur analyse sur l'évolution des marchés du travail académique en France. Est-ce qu'il y a vraiment une convergence entre les disciplines, ou est-ce qu'il y a des traditions d'usage, par exemple des contrats et des post-docs différentes en ethnologie, histoire, sociologie et biologie. Et donc pour cela, on a invité Pascal Burezi, qui est directeur de recherche au CNRS, historien spécialiste du Maghreb, qui a eu l'expérience de diriger un projet ANR et actuellement un projet ERC, donc un projet européen, des montants assez importants, souvent des grosses équipes. Il pourra nous parler de ce que cela produit du côté de l'histoire, ce type de financement. Ensuite, on demandera à Eric Chénis, qui est sociologue et maître de conférence à l'université Mulhouse, spécialiste des associations et de l'engagement, de venir aussi nous parler de son expérience un peu plus récente, d'avoir participé à une équipe de recherche fonctionnant sur contrat. Ingrid Hall, qui est ethnologue et qui est post-doctorante non statutaire, je ne sais pas si elle est post-doctorante financée, ou, parce qu'en ethnologie, donc, on peut être post-doctorante finalement bénévole, Voilà, dans un laboratoire d'ethnologie, spécialiste du Pérou. Et puis, pour ne pas rester uniquement dans les sciences humaines et sociales, parce que je pense que c'est très important de discuter de manière interdisciplinaire, on a demandé à Maud Le Gall, qui est biologiste, chargée de recherche à l'INSERM, au Centre de recherche des Cordeliers, de venir nous parler, à partir de son expérience de recrutement au sein des comités, des sections, on appelle ça des sections ? Des commissions de... Attends. Les CSS, les commissions spécialisées, j'ai oublié l'autre S. Bon. Enfin, c'est l'équivalent des sections du comité national au CNRS. Au CNRS, de venir nous parler de l'évolution des conditions d'entrée dans les carrières en biologie. Et c'est d'autant plus heureux que Maud soit là, qu'elle a été aussi, elle a participé beaucoup au moment des états généraux de la recherche en 2004 aux réflexions sur cette question et dans les petites mains peu visibles qui ont participé à écrire le texte des états généraux de la recherche, elle a beaucoup donné de son temps au moment où elle était elle-même post-doc rentrant des États-Unis et un peu désespérée de la situation en France. Voilà, donc je vous laisse 15 minutes à chacun. Et Christian voulait donner une information sur le programme du séminaire. C'est très brièvement l'annonce de la prochaine séance pour que voilà, vous connaissiez la suite du film. La prochaine séance qui aura lieu donc, tout naturellement le jeudi 15 décembre, on inaugure une série qui est un peu une expérience. La petite équipe qui organise le séminaire a constaté que cette année était marquée par le fait qu'il y aura des élections présidentielles suivies d'élections législatives dans notre pays et qu'il n'est pas totalement exclu que de ces élections sorte un changement politique. Et on s'est dit comment réfléchir à partir des problèmes de l'enseignement supérieur et de la recherche à cette nouvelle conjoncture. Alors, on va la prochaine fois inaugurer une série de séances que nous avons intitulée « Questions aux acteurs du mouvement ». En d'autres termes, nous invitons des collègues très divers qui, depuis 2009, travaillent à résister prétendues réformes à nous répondre sur ce qu'ils veulent. Donc, ça sera des séances sans exposé liminaire où la salle posera des questions. Et la prochaine fois, sur le thème, disons, de la restauration de la démocratie savante et universitaire au sein des institutions. Nous entendrons sur ce sujet un membre de SLU, Étienne Boisserie, un membre du CNESSUP, Dominique Bébart et un membre du SNCS, Philippe Butgen. Je dis bien un membre, ils ont chacun des responsabilités importantes dans leurs organisations respectives, mais c'est en tant que personne individuelle que nous les avons invités. Donc il y aura une série de séances comme ça au cours de l'année, et il y aura une deuxième série de séances qui sera inaugurée en janvier, qui seront cette fois questions aux partis politiques. Et nous leur demanderons que comptez-vous faire ? Et nous recevrons en janvier Europe Écologie Les Verts, qui sera suivi en février du Front de Gauche, Parti communiste français et Parti de Gauche, et enfin le Parti socialiste le mois suivant. Voilà, donc c'est juste une annonce sur la suite. Ce type de séance n'épuisera pas toutes les séances du séminaire, on continuera à travailler comme on le fait aujourd'hui aussi. Merci. Pascal, je vous passe la parole.